Ok. DAM 2011. Vidaloka volume 1. La maladie des hommes. Dieu. Mon passé fut difficile comme la plupart de mes auditeurs. Enfermé dans ma propre île où je n'accueille pas de visiteurs. Plus méchant qu'un vrai reptile à croire que je n'ai aucun cœur. Révolté comme une vraie pile, je crie toute ma stupeur. J'essaye enfin d'observer ce monde pourri qui nous entoure. Vivre est une corvée où les chefs sont des vautours. Où nous sommes que des vautours, enfermés dans plusieurs tours. Façon pour quelques sous, l'état décide de nous rendre fous. La maladie des hommes est bien présente à chaque instant. Le matin on nous assomme pour gagner que quelques francs. On voit de l'argent à la télé alors on veut le rêve ricain. Dans une enveloppe scellée qu'on tient pour tous notre destin. Les gens deviennent fêlés, même les petits veulent être quelqu'un. Au final abandonné, j'ai vu mes rêves viser leur fin. Heureusement j'ai chantonné pour l'hommage de tout défunt. DAM, c'est ça. La maladie des hommes est présente dans tous les coins. La maladie des hommes, on l'a tous, elle vient de loin. La maladie des hommes, maladie des hommes. La maladie des hommes est présente dans tous les coins. La maladie des hommes, on l'a tous, elle vient de loin. La maladie des hommes, maladie des hommes. Seule la richesse nous attire, on n'a même pas de subconscient. Ils nous font croire qu'il y a bien pire par des tests de science. Je suis un soliste dans ce marché universel. Depuis tout jeune, j'évite les discours qui me pètent la cervelle. La maladie des hommes existe seulement depuis 2000. Je veux croquer dans cette pomme et taper le rap dans le mille. Envie de voir le bonheur se dessiner sur vos visages. Ma tristesse prend de l'ampleur depuis que vivre est un mirage. Même l'espoir me fait plus vivre car Satan l'a étouffé. Seul l'amour peut me rendre vivre, encore faut-il le trouver. La maladie des hommes se traduit par l'égoïsme. Certains sont homophobes et ne refusent pas de se faire de queen. Le monde tourne à l'envers, les plus riches sont les plus cons. Du décor c'est l'enfer et j'aperçois tous les décons. L'argent nous attire tous alors on tue pour quelques francs. Je suis là pour faire ce coup, j'ai les moyens, je fais pas semblant. La maladie des hommes est présente dans tous les coins. La maladie des hommes, on l'a tous, elle vient de loin. La maladie des hommes, maladie des hommes. La maladie des hommes est présente dans tous les coins. La maladie des hommes, on l'a tous, elle vient de loin. La maladie des hommes, maladie des hommes.